Albert Samain, ton souvenir est comme un livre. Ton souvenir est comme un livre bien aimé, qu'on lit sans cesse et qui jamais n'est refermé. Un livre où l'on vit mieux sa vie et qui vous hante d'un rêve nostalgique où l'âme se tourmente. Je voudrais, convoitant l'impossible en mes vœux, enfermer dans un verre l'odeur de tes cheveux, ciseler avec l'art patient des orfèvres une phrase infléchie au contour de tes lèvres. Emprisonner ce trouble et ces ondes des mois, qu'en tombant dans ton âme, un mot propage en moi. Dire quelle mer chante en vague d'élégie au golfe de tes seins où je me réfugie. Dire, oh, surtout, tes yeux doux et tièdes parfois, comme une après-midi d'automne dans les bois. De l'heure la plus chère en chasser la relique, et, sur le piano, tel soir mélancolique, ressusciter l'écho presque religieux d'un ancien baiser attardé sur tes yeux.